Nous saluons. Jésus-Christ, que le nom de notre Seigneur soit loué. Nous saluons également tous les frères qui nous suivent à partir de l'internet. Au nom de Jésus-Christ. Nous amenons encore les salutations des différents serviteurs de Dieu. Ceux-là avec qui nous avons causé au téléphone. Ils ont salué toute l'église au nom de Jésus-Christ. Nous allons montrer le respect à la parole de Dieu et nous mettre debout. Ouvrons dans Ésaïe chapitre 6. Nous allons commencer au verset 1er. Jusqu'au verset 8. Na mwene nkambo kasha shika tapachipona. Kia jipe ururuine. Ne kisanzi kio avwele kia kumene monso munzubo. Baserafima baimene peuru. Yense wadina mapapi mukaka. Pameso wibutireko wabiji. Kumauru nako wibutireko wabiji. Ne yabiji makuwabo oba jikutumbu kirako. Bajikubiji kija bene nebene kashaba ilakijamba. Warwafyo inkambo wa mavita tanda yonso ya yura rukumoro wanje mapanda biberoke atenta kwa mawiyo bajikubijikija ne munzu bo yaresa mwayugire buishi ponka pokenda kiamba mawe amimuranda nafwa bantu ndi muntu wa miromo mibi ne bantu bonji karamo ibonka ba miromo mibi mwanda namo na mwine muropwe kambo wa mavita. Ponka po Serafima umo watumbukira konaji wajina jikara ja mujiro mukoboko kwanji jo apuire na kimanto kumazabawu wijipishishe pakanwa kami wanda kamba wamuna dino jikara ja pita ku miromo yobe jino myanda yobe yapwa bubibobe watoke jiwa ebiya na uvune jiwi jankambwamba kamba yani yetu sakutuma suwe kuya aminarondoroe kamba mwane amiuno bantume. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mumwaka ya lufu ya mfalme Uzia, niliona Bwana mwenye kuketi paenzi yake ya juu sana. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Na upindo wa vazi yake iliyala nyumba yote. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Na baserafima barishimama yulu yake. Ils avaient chacun six ailes. Kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Deux dont il se couvrait la face. Mbiri alifunika uso. Deux dont il se couvrait les pieds. Mbiri ingine alifunika mikulu. Et deux dont il se servait pour voler. Na mbiri ingine ilianza kubasaidia juu ya kuluka. Il criait l'un à l'autre. Baranza kulala mikiana moja kwa mwingine. Et disait. Na kusema. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu ni Bwana wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dunia yote inayala na utukufu yake. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Milango ilianza kutenga sana kupitia masauti baranza kulalamika. Et la maison se remplit de fumée. Na nyumba iliyala na moshi. Alors je dis. Na pale nikasema. Malheur à moi. Ole yangu. Je suis perdu. Niko mwenye kupotea. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sababu niko mtu wa milomo mubaya. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Niko naishi na bantu na bobo wa milomo mubaya. Et mes yeux ont vu le roi. Na leo macho yangu inamona mufalme. L'Éternel des armées. Bwana wa majeshi. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente. Mmoja wa baserafima akanilukia mwenye kuya na ribo ya moto. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Yenye alitosha kumazabau na chuma. Il en toucha ma bouche et dit. Akagusa kinwa changu na kusema. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Inagusa milomo yako, maovu yako, inaondolewa na zambi yako inasamewa. J'entendis la voix du Seigneur disant. Nikashikia sauti ya Bwana ikasema. Qui enverrai-je? Ni nani tutatuma? Et qui marchera pour nous? Ni nani ataenda juu yetu? Je répondis. Nikajibu. Me voici, envoie-moi. Mimi ni hapa, banitume. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du les choses du passé, je ne vais plus toucher. Les choses du passé, je ne vais plus toucher. Les choses du passé, je ne vais plus toucher. Car souvenez-moi, quand Jésus m'a sauvé. Père Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous continuons à louer ton nom et de te glorifier et de t'élever. Et nous n'allons pas nous fatiguer de te dire merci. Tout le temps que nous voyons ton œuvre dans notre vie, nous sommes dormis comme des morts. Ta grâce nous a donné la vie. Ta grâce nous a donné la journée. Nous marchons dans la paix. Salama tulipata, la paix que nous avons trouvée, nombreux ne l'ont pas trouvée. Ton amour nous amène encore cet après-midi ici pour écouter tes exhortations. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, descends toi-même et parce que comme tu as dit, dans le temps de la fin, personne n'enseignera prochain d'enseigner son prochain connaît Dieu, mais tous seront enseignés de ton esprit. Conduis-nous Seigneur, nous aimons Seigneur ton nom. Bariki kanisa, bénis cette église, parce que c'est ton église que tu as racheté par le sang de Christ. C'est toi qui as commencé cette église et c'est toi qui le conduis et c'est toi qui l'amèneras son achèvement. Bariki bafanya kazi bote mu nyumba yako. Bénis tous les serviteurs dans ce bariki batoto wako bote bale Mungu anaita na kuokoa. Bénis tous tes enfants que tu as sauvés. Oui, tu ongoze mangaribi ya leo. Conduis-nous cet après-midi. Ikwe mangaribi ya furaha. Que ça soit eu un soir de joie. Mangaribi ya peke. Un soir particulier. Tunapenda mwisho ya kusaniko yetu. Nous aimons à la fin de cette culte. Kila mtu aseme kweli ilikuwa mzuri mie kwenda nyumba ya Bwana. Que chacun de nous puisse dire bon d'être dans la maison de Dieu. Oui, tu ongoze Bwana. Conduis-nous Seigneur. Yote tukunayo lazima tunahitaji kuipata kwako. Nous avons besoin, nous le demandons à toi. Maombi yetu tunaomba na maombi ya nous prions avec foi sans doute, na kusema yote tutaipewa kwako, avec toute l'espérance que tout nous allons recevoir de toi. La Yesu Christo, Bwana na Mokozi au wetu. Nom de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu aongeze mabaraka mu maandiko tunasoma au jina la Yesu Christo. Dans les écritures au nom de Jésus Christ. Tunaendelea. Nous continuons. Na habari yetu, avec notre message que nous avons commencé depuis hier. Tunasoma mu kitabu cha Isaya 6. Nous venons de lire dans Isaïe chapitre 6. Tunashikia témoignage ile ripita mu maisha ya Isaya. Nous avons entendu shuhuda qui était passé dans la vie d'Isaïe. Mu mwaka ya lufu ya mfalme Uzia. Dans l'année de la mort du roi Uzias. Isaya aliingia muonyo. Quand il est entré dans la vision, aliona maneno yote tunatoka kusoma hapa. Il a vu tout ce dont nous venons de lire. Ishiku. Ce jour, ilikuwa ni siku ya upeke kwa Isaya. C'était un jour particulier pour Israël. Ilikuwa ni siku ya yoye nyewe mu maisha ya Isaya. Un jour particulier pour Isaïe. Il a ringé mu vision. Il est entré dans une vision. Anajikuta iko muwepo wa Bwana. Il s'est retrouvé dans la présence du Seigneur. Anaona nyumba ya Mungu. Il a vu la maison de Dieu. Anaona upindo wangu wa vazi ya Mungu. Il a vu les pans de sa robe. Yenye kuyala nyumba mujima. Qui remplissait tout le temple. Anaona maserafima yenye kuyaju ya yulu ya kiti ya Mungu. Il a vu des séraphins qui s'étenaient au-dessus du trône. Bote benye kuna mabawa sita. Tous avaient six ailes. Mbili beko nafunika macho. Deux qui se couvraient, qui couvraient la face. Mbili beko nafunika mikulu. Deux qui couvraient les pieds. Mbili kuna basaidia kuluka. Et deux qui leur servaient à voler. Beko nalalamikiana moja kwa mwingine. Ils se criaient l'un à l'autre. Na kusema mutakatifu. Et disaient saint, mutakatifu, saint, mutakatifu. Saint. Ni Bwana wa majeshi. Et le Seigneur des armées. Dunia yote na yala utukufu yake. Toute la terre est remplie de sa gloire. Bizingiti ya nyumba biko natetemeka na ile masauti kuna. Le fondement du temple c'était ébranlé dans leur fondement. Et la maison de Dieu était pleine de fumée. Quand Isaïe voyait ces choses, il avait peur. Il a vu que je ne peux plus vivre, je vais mourir. Parce que je suis un homme avec des lèvres impures. Et je vis au milieu des peuples avec des lèvres impures. Comme Isaïe était saisi par la crainte. Wakati Isaya anashikwa na hii huzuni. Quand Isaïe était saisi par le chagrin. Wakati Isaya anafunguliwa macho yako na milomo yake kusema iko mbaya. Quand Isaïe avait ouvert les yeux, était ouvert les yeux pour voir que ses lèvres étaient impures. Malaika anamulukia, serafim moya anamulukia. Un serafim vola vers lui. Mwenye kwa na rikala ya moto ile alitosha kwa madhabahu. Il avait une pierre ardente qu'il avait tirée de l'autel. Anachoma milomo ya Isaya. Il avait touché les lèvres de Isaïe et lui avait dit makosa yako inaondolewa. Ton péché est expié. Alléluia. Zambi yako yote inasamewa. Ton péché est enlevé. Frère, sœur. Nduku na dada. Mtu wote ulifika mu présence ya Mungu bia kweli. Tout homme qui est arrivé véritablement dans la présence de Dieu. Roho ya Mungu ndani tusaidia kusema. L'esprit de Dieu nous a dit hier. Jo mufuachi mule tukunenda kuvumbula mabubaya wetu. C'est le seul endroit où nous découvrons nos fautes, nos erreurs. Après être, avoir un cœur brisé et serpenti, et que Dieu nous pardonne, nous sortons avec joie que personne ne peut nous ravir. Toute sœur qui est passée dans la présence de Dieu, Dieu lui a pardonné ses péchés. Dieu lui a fait une fille véritable de Dieu. Même sa manière de chanter montre qu'elle n'est plus encore liée. C'est vrai. Tout frère qui est arrivé dans la présence de Dieu, Dieu lui a pardonné. Dans la présence de Dieu, nous y sortons avec joie. Dans la présence de Dieu, c'est devant un miroir, un grand miroir. Dans la présence de Dieu, c'est dans un grand miroir. Là où quand une personne est entrée là-bas, il voyait tout son problème. Alléluia. Amen. Leo tunakuwa na magumu ya mingi munjia ya imani. Aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés dans la marche de la foi. Leo tunakuwa na magumu ya mingi munji mu mandoa yetu. Aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés dans nos mariages. Leo tunakuwa na magumu ya mingi mukaji ya Mungu. Aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés dans le service de Dieu. C'est parce que le frère ne voit pas ses erreurs. Ni preuve mubaya ça. C'est une mauvaise preuve. Frère achonake mubaya wake mu mariage mu mandoa yake. Ne voit pas ses fautes dans son mariage. Frère na yachonake makosa yake mu mandoa yake. Le frère ne voit pas ses fautes dans son mariage. Ni preuve ya kuonesha sema mtu bado ashafika mu présence ya Mungu. Qui montre qu'une personne n'est pas encore arrivée dans la présence de Dieu. Mais si tu arrives dans la présence de Dieu, tu vas découvrir tes erreurs. Et tu seras hâte d'aller te repentir pour que Dieu puisse te pardonner. Alléluia. Amen. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mtoto wa Mungu wa kweli. Un enfant véritable de Dieu. Ule alifika mu présence ya Mungu. Celui qui est arrivé dans la présence de Dieu. Eko na capacité ya kona makote faible. Il a le oiseau de voir ses faiblesses. Et c'est pourquoi nous venons même à l'église. Je crois que nous venons à l'église. Amen. Amen. Paragraphe moi à Frère Branham. Yamu Broshi moi nasema la force est parfaite par la faiblesse parfaite. Nguvu ya kamilifu ndani ya imani kamilifu. La force est parfaite par la faiblesse parfaite. Nguvu kamilifu ndani ya dhaifu kamilifu. Mon paragraphe 43. Nukta yake makumi na tatu. Pale page 7. Il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Si nous venons à l'église, c'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Alléluia. Amen. C'est pour trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Si nous venons dans la présence du Seigneur, c'est pour que nous puissions découvrir où sont nos erreurs, pour que nous puissions découvrir nos côtés faibles. Comme Esaïe était entré dans la présence du Seigneur, il a commencé à voir que ses lèvres étaient impures. Il a commencé à voir qu'il est au milieu des gens. Toi et moi aussi, aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons beaucoup d'Ashuda dans la Bible. Chacun a son expérience personnelle de la manière dont Dieu est venu à lui et de la manière dont il est entré dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment si un homme entré dans la présence de Dieu, il sait découvrir ses mauvais côtés. Aujourd'hui, nous sommes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous avons, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Léo, aujourd'hui, si Papa Ndaya allait derrière l'église, il commence à appeler quelqu'un. Si nous voulons trouver Papa Ndaye, nous allons le trouver là où il sort sa parole. Là où sort la parole de Dieu, c'est là où est Dieu. Et nous aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais je serais étonné, toi mon frère, tu entres moi pour Amungu, tu ne vois pas tes erreurs et tu sors comme tu es entré. Commence à dire dans la présence de Dieu, c'est dans un atelier Mouchap. Alléluia. Amen. Si un arbre est entré dans un atelier, même si cet arbre était courbé, la machine va lui donner une forme. Comme cet arbre qui était debout, ça devient un lit là où on peut dormir. Ce lit-là qui était, et cet arbre qui était courbé. Et nous aussi, nous étions dans le monde des méchants. Et après être entré dans l'atelier de Dieu, nous devons y sortir des bons gens. Alléluia. Amen. Il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Et si nous venons à l'église, c'est pour découvrir là où nous avons des défauts et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, découvrir nos mauvais côtés et voir combien nous sommes petits et placer notre confiance à quelqu'un qui est fort. Alléluia. Amen. Si un homme venait dans la présence de Dieu, il attend que Dieu lui puisse lui parler, qu'il découvre ses mauvais côtés, qu'il puisse arranger afin qu'il devienne une bonne personne. Arrivé dans la présence de Dieu, nous les parents, nous y sortons de bons parents. Arrivé dans la présence de Dieu, nous les enfants, nous devenons de bons enfants à nos parents. Si nous sommes nous devons être nos maris deviennent bons. Et c'est pourquoi la parole de Dieu a sa parole. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Maintenant je serai étonné de toi, mon frère. Tu crois cette parole de Dieu? Tu marches avec cela des années. Et dans des années où tu as marché, tu commences encore à te remarier. Tu commences encore à t'enivrer. C'est dans quelle présence de Dieu où tu es entré. Tu dois faire attention. Dans la Bible, il y a ceux-là qui sont arrivés dans la présence de Dieu. Ils sont sortis comme ils étaient entrés. Alléluia. Amen. Dieu œuvre dans la vie d'un homme selon ses dispositions. Si tu vois que ce sont des blagues, c'est Dieu là qui est sauve les autres. Toi, il va te passer, tu resteras toujours péché. Dans la Bible, il y a Simon à Bukoma. Simon le lépreux. Il a invité Dieu. Il a invité Jésus-Christ dans sa maison. Jésus. Une source de la guérison. Jésus. Une source de miracles. Yesu. Jésus. Mumbaji wa mwili, créateur du corps de l'homme. Yendo anajua kuopere sans cicatrice. Celui qui sait opérer bila. Alléluia. Amen. Même si on t'a surpris avec cirrhose de foie, mais s'il t'opère, tu es guéri pour toujours. Mais la kini, Simon, Simoni, anamuita yes, appelle, invite Jésus. Yesu ya huyu nyumba ya Simon. Jésus est dans la maison de Simon. Nyumba ya Simon. La présence de Dieu dans la maison de Simon. Simon. Simon ne le voit pas. Mwanamke mwa mutenda zambi. Une femme pécheresse. Et une femme de mauvaise vie dans cette cité-là. Entendu que Jésus est entré dans notre cité. Et il est dans la maison de Simon. Cette femme a pris une bouteille de parfum. Elle est venue au pied de Jésus-Christ. Elle a découvert qu'elle était une mauvaise, une méchante. Elle a pleuré devant Jésus. Elle lui a dit, Jésus, ma prostitution, même mes parents ne peuvent pas m'arrêter. Ma méchanceté, même mes parents, même mes oncles ne peuvent pas terminer cela. Aucun médicament ne peut arrêter cela si je n'arrive pas chez moi. Cette femme a pleuré. Les pieds de Jésus étaient mouillés par les larmes de cette femme. Elle a pris ses longs cheveux. Elle commence à essuyer les pieds de Jésus. Simon, Simon Jésus. A regardé Jésus. Dans son cœur, il a dit, c'est ce Jésus qu'on dit qu'il est saint. S'il connaissait la vie de cette femme, elle ne pouvait pas accepter qu'elle puisse se prosterner. Jésus voit tout ce qui est caché. Dans la présence de Jésus, tu peux faire tout tes sûr, même en brousse. Tu peux te cacher devant tes voisins. Tu peux te cacher devant ta femme. Tu peux cacher ton pasteur. Même à l'église, tu peux te cacher. Mais devant Jésus-Christ, tout est à découvert. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus a regardé Simon. Il a dit, Simon, laisse, je vais te poser une question. Il y a deux personnes qui sont allées s'endetter chez une personne. L'un s'est endetté de 500 francs. L'autre s'est endetté de 500 000. Tous ont allé chercher l'argent d'autrui. Quand ils ont échoué de trouver l'argent, le propriétaire de l'argent, il les a appelés. Il a dit, ne soyez pas troublés, mes frères. Vous tous, la dette que vous avez, je vous remets cette dette. De ces deux personnes, celui qui s'est endetté de 500 000, celui qui s'est endetté de 500 000, qui aura beaucoup de joie que jusqu'à son prochain. Simon a répondu rapidement. C'est celui qui a sauvé 500 000. 500 francs même si tu me laissais, c'est ça le problème qui s'est passé. Si tu savais tes fautes, tes péchés, Dieu n'est pas notre dictateur. Dieu aide celui qui va se reconnaître. Alléluia. Amen. Si tu ne reconnais pas tes fautes, tu seras membre seulement de ce tabernacle. Mais dans le corps mystique de Jésus Christ, ça te sera difficile d'y entrer. Que Dieu nous aide. Dans la présence du Seigneur, c'est dans un miroir. Et Dieu vient en aide à ceux qui se reconnaissent. Dada, Mungu atakusaidia kama utajitambua. Dieu va t'aider si tu te reconnais. Yua mbele ngambo yako mubaya ni nini? Connais d'abord ton côté mauvais. C'est dans ton parler, dans ta façon de répondre, c'est dans ta quelle est la maladie spirituelle qui te dérange? Si tu peux reconnaître cela, aide de dire ouvertement à Dieu, il est ici. Atakusaidia. Il va t'aider. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Psaume chapitre 16, verset 8. Dans Zaburi Kuminasita. Psaume 16. Zaburi Kuminasita. Mafuku onso na mubi kankambo kumeso wami. Kine ujikurujo wami amike shinkateshi we. Kurenga mutima wami wasekera munda wami mujirusekero. Ne mubiji wami waikara mutende. Pantu kenshi ukareke mweo wami mkarunga nyembo. Kenshi ukareke waruathi obe kubora. Wanjuki jadishinda jamweo. Mukieni kyobe mujirusekero rukata. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Niko wakati yote na wamilele kumbele yangu. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Sababu eko mukono yangu ya ume shita kwala kamwe. Aussi mon cœur est dans la joie. Na vile vile roho yangu iko mufura. Mon esprit dans l'allégresse. Na roho yangu iko mkushangilia. Et mon corps repose en sécurité. Na mwili yangu yenyewe inapumzika mukingo. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Sababu utacha roho yangu nafsi yangu mjimu ya lufu. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Aute etika mupendo wako aone kuoza. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Unanifundisha na kunijulisha njia ya uzima. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Muko fura munene mukuikala muwepo wako na kuketi kuume yako. Amen. Amen. Amen. Kama mtu anaingia mu presence ya Mungu. Si un homme entre dans la présence de Dieu, Mungu anaonana naye. Dieu se voit avec lui. Mungu anamsamehe makosa. Dieu lui pardonne ses péchés. Ile mtu atatoka nacho mu ile presence ya Mungu. C'est que cet homme va sortir dans la présence de Dieu. Ya wokovu. C'est la joie de son salut. Et puis huyu mtu kisha cet homme ataanza ku presentir présence ya Mungu partout pale yeye. Va commencer à kushikia la présence de Dieu là où partout. Hapa hapana mambo ya kuya mambo wa kanisa. Ici n'y a pas le problème d'être membre de l'église. Mambo wa kanisa kutetufikisha Mungu. Rester membre de l'église ça ne va pas nous amener au ciel. Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Frère Branham anasema mu kabroshil kengine. Le frère Branham parle dans un autre. Seconde venue du Seigneur. Rudia kwa pili kwa Bwana. Paragraphe 54. Nukta makumi tano na ine. Na paragraphe 79. Na nukta makumi saba na tisa. Il est plus tard que nous ne le pensons. Wakati chakwenda vila tuwazie. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Atukuyo kanisa njoo kupata tufuasha kuikala. Nous ne venons pas à l'église pour attendre un bon sermon. Atukuyo kanisa njoo kushika tumahubiri mzuri. Ni pour attendre une bonne musique. Au kusikia ma mimbo mzuri. Toutes ces choses ont leur place. Bile bintu biote biko na fazi yabi. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église. Yesu tapasha kufanya kizuri mkuu ya mkanisa. C'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Ni kujangalisha shebe nyewe mbele ya Mungu. Concernant le salut de nos âmes. Ile nyalekea ukovu ya manafsi. Car le jour de la rédemption est proche. Jushiku ya ukombozi na karibi. Alléluia. Amen. Atukuyake mukanisa tutuyaje bichi. Nous ne venons pas à l'église pour remplir les bancs. Tunakuyaka tutujichunguze mbele ya Mungu. Nous venons afin de nous examiner devant Dieu. Kufuatana na ukombozi wa manafsi. Conformément à la rédemption de nos âmes. Kile kinakuletaka ku kanisa frère. Ce qui t'amène à l'église mon frère. Aina kintu kingine. Ce n'est pas autre chose. Kama aina kushimama ku rikalashi ya Mungu. Si ce n'est de se mettre devant le miroir de Dieu. Maisha yako iko je mbele ya Mungu. Et de s'examiner, d'examiner ta vie devant Dieu. Amen. Amen. Mutetane profeta anasema. Makumi. Maintenant écoutez bien. Sasa mshikie mzuri. Un homme ou une femme mwanaume mwa na mwanamke mmoja ne peut jamais aller au ciel abawezi kwenda kumbingu sans être né de nouveau bila kuzalikwa mara ya pili. Pour moi juu yangu mie ce n'est pas parce que vous avez parlé à langue ana njuri sema muruga que vous avez crié ya kama ulilalamika que vous avez dansé juri cheza parce que vous fréquentez l'église que vous êtes assidu juu kwa kujitoa sana et que vous portez des vous portez l'insigne de votre royauté. Ces choses sont très bonnes. Mais ce n'est pas cela. Il faut absolument qu'il y ait une relation qui vous unit. Christ est vous. Christ na weye. Jusqu'à ce que vous soyez un. Amen. Amen. Kama tunafika mwepo wa Bwana. Si nous arrivons dans la présence du Seigneur. Tunakutana na Mungu ule tunaweza kuungana naye. Nous nous rencontrons avec Dieu avec une nouvelle unité. Yeye na mie na kwa kitu kimoja. De la foi, lui et moi nous devenons un. Alléluia. Amen. Ndio namna mzuri tunapaswa kufika mwepo wa Bwana. C'est ça la bonne manière d'arriver dans la présence du Seigneur. Ni murikalashi. C'est dans un miroir. David anasema. David parle. Niko na muweka wa milele siku yote mbele ya uso wangu. Je mets tout le temps l'Éternel devant ma face. Kama ndoko anapita mu présence ya Mungu. Si un frère passait dans la présence de Dieu. Atae comme mashamba moye moya. Même s'il est au champ lui-même. Atae comme société. Même s'il est dans une société. Atae comme bandu kwake bashipo kuamini. Même s'il est dans parmi sa famille. Ni mtoto wa Mungu. C'est un enfant de Dieu. Paka pale anashimama. Là où il se tient. Eko na pressenti présence ya Mungu. Il pressent la présence na de Dieu. Na kuyua kusema Mungu eko hapa. Et de savoir que Dieu est. Dieu marche le Mungu anatulo. C'est ça la vie que Dieu nous demande. Mais aujourd'hui, les gens ils se conduisent. Il est moi, Christ. S'il va dans. Il devient comme un païen. Il est chrétien quelques jours. Le dimanche, c'est un bon frère. L'engagement, il devient quoi? Un homme de rien du tout. Non, celui qui est arrivé dans la présence de Dieu. C'est celui-là qui pressent la présence de Dieu tout le temps. Dans sa présence, paragraphe 77. Écoutez maintenant l'église. Je vous aime. Et je voudrais que vous m'écoutiez maintenant. Je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Et ne faites rien que vous. Ce que vous ne feriez pas dans sa présence. Parce qu'il vous observe. Alléluia. Vous voyez. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il reste tout près de vous. Et il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes prêt à dire un mensonge, ne le faites pas. Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Si vous êtes prêt à frauder un peu, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Si vous êtes prêt à prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Si vous êtes prêt à fumer une cigarette, il vous observe. Nous avions l'habitude de chanter un cantique. Et ce cantique dit ceci. Tous les longs des chemins vers la vraie demeure de l'âme. Il y a un lait qui t'observe. Chaque pas que tu fais, ce grand lait veille. Amen. Amen. Même dans le noir. Même quand tu es seul. Conseil à prophète. Le conseil du prophète. Asema ushifanye kintu kila kuwe au kupashi kuweza kufanya muwepo wake. Ne faites rien que tu ne peux pas faire dans sa présence. Nous tous, nous avons amis que dans cet après-midi, nous sommes dans la présence de Dieu. Mui présence ya Mungu tunaikala. Mui wepo ya Mungu que nous sommes. Niko ngovu frère amfuate dada bubibi. C'est difficile un frère puisse suivre une seule femme. C'est impossible. Niko ngovu frère anza kuchambula mwenzake hapa. C'est difficile qu'un frère puisse insulter un autre frère. C'est impossible. Ça conseil ya prophète ni akusema. La conseil du prophète. Pata vile atukupachi kufanya bibara muwepo wa Bwana. On ne peut pas faire le mal dans la présence du Seigneur. Je pas capable. C'est comme ça que nous devons nous comporter partout où nous nous trouvons. Passer dans la présence de Dieu, c'est une chose très importante et ça va t'amener loin du péché. C'est vrai. Mais si tu es encore dans le tabernacle, les gens du tabernacle ont beaucoup de choses cachées. J'ai vu un autre frère, c'est le frère du tabernacle. On était nombreux dans le tabernacle. On ne se connaissait plus que c'est celui qui a fait celui-ci, c'est notre frère. Nous sommes devenus nombreux, nous connaissons plus. Un autre frère dans la cité. Il serait rencontré avec une soeur. Cette soeur était. La soeur était notre soeur. Et le frère ne savait pas, il l'a fait arrêter. Pardon. Il a dit, soeur, pardon. Soeur, je t'aime. Faites un effort de m'enlever dans mon âme. Il a tout dit, il a terminé. Il a dit, mon frère, je suis étonné de toi. Tu es mon frère. Si tu n'as pas avec toi au tabernacle. Il a dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas. C'est le diable, ma soeur. C'est le manque de présenter la présence de Dieu. Toi, tu n'as pas Dieu. Comment est-ce que tu peux bénir? Mais comment on a présenté la présence de Dieu? Si un homme présentait la présence de Dieu, c'est qu'il ne pouvait pas arriver à faire la présence de Dieu. Même dans sa famille, même au chalet. La présence de Dieu est une puissance qui pousse un homme loin du péché. Si toi le frère tu passais la présence de Dieu, même si tu allais à l'Ikasi pour travailler, notre soeur a confiance à toi, tu ne vas pas te remarier là-bas. Parce que l'éternel Dieu tu le présentes aussi. Et la soeur aussi elle présente la présence de Dieu, même si elle voyageait à Kolwezi, le cœur du frère est tranquille. Et il sait que ma femme là où il est, elle reste la présence de Dieu. C'est un bon endroit. C'est là où ça commence notre chrétienté. Même au tabernacle. Mais dans le tabernacle, il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous avons tout au Dieu nous a fait un tabernacle. N'espérez pas dans le tabernacle. Tabernacle a été tout fait. Tabernacle nous amènera nous pas. Allons entrer dans le corps de Jésus-Christ. Tout nous serons connus de Dieu. Alléluia. Amen. David anasema. David, Daoud parle. Psaume 51. Zaburi makumi tano na moja. Mutoto wa Mungu wa kweli. Le véritable enfant ni de Dieu. Ni ule konayua sema présence ya Bwana ni rikalashi munene sana. C'est celui qui sait que la présence de Dieu c'est un grand miroir. Mule konaona kububaya bwake. Là où il voit ses fautes. Psaume 51. Zaburi makumi tano na moja. Mine anzia paka pale. Je commence là au début. Tena nikaishia na pa 17. Et je vais terminer. Mawe obere sambelele rusa moka mwaira rusarobe jimanganya bubi bwami moka mwaira rusarobe rukata sanfie bubi bwami bonso tokeje kububi bwami pantu na yuka biona abara bubi bwami debu mona kimye chonso ikuyobe kona abara bubi ikonga kuyobe mwine naoba kintu cha kubipa kumesobe kurengobe wabinga pabyo waraka nemo waketera myanda mwaoroka amikine nasemekelewe mububi mama imububi mwangi mitire obe cho usaira munda ikine kurenga njukije mano mubukata mwine mwamutima wami tokeje na isopo sangasa kutoka santie sangasa kutoka kukira nete ruji. Unenge kumbwa rusekero sekere ambabiku pabyo wati mawine bisekere ke kutaja kirungi kyobe kububibwami jimanganya bubibwami bonso mawobere sampangire munda mwami mutima wakutoka sangwire mutima wami wikare wakwima nabiya ke kumpangira kurampe kufuma mukieni kyobe ke kumfumya mushipiritu obe warwafyo Mweze jeru sekero, rupuru kilorobe, umpere mutima wakunkwasha kubabia, abyo sanga, keba fundija, mashinda obe, bakubada myanda, nebabi bakabwera kouji. Pokorore kumyanda ya bunta pani obe resa resa wakumpurusha, abyo sanga rutimiru wami, rukembija, mwanda wabororo kebobe. Mawe nkambo, shinkula kanu wakami, sanga miromo yami, isa kukutota, pantobe kenshu sekera mubita pijo. Abyo wangina kurambura abyo. Owe kenshi wate mwa bitapisho bisokwe. Bitapisho bisakare sai mutima mutimuke. Mawe owe nkambo kenshi usura muntu wa mutima mutimuke. Ne wakufitwa pabubi wanji. Amen. Amen. Lorsque Nathan le prophète vint à lui. Uyanzie pa trois frères. Okay. Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. C'est vrai. Sababu ninayua makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu siku yote. J'ai péché contre. Nimesema moyo ya besa. Ce sont de belles paroles mon frère. Oui frère. Dio nduku. Daudi. Alianza kuona mubaya bwake. Il voyait ses erreurs. Na ilipopeleka mwarakaraka ya kutubu. Et ça lui faisait rapidement. C'est pourquoi Dieu l'appelait. C'est un homme selon mon cœur. Ni muntu fatana na moyo wangu. Wewe ule utuwage makosa yako. Toi qui ne te réponds pas. Ah oui, on a comme baya boire. Tu n'as jamais vu tes fautes? Où comme danger frère? Tu es en danger. Comment tu peux? Comment Dieu peut te pardonner? Ah oui, on a comme baya boire. Tu n'as jamais vu tes fautes? Mon baya n'est pas bibia. Le celui qui est bah voisin de mon côté à quatre. Tes voisins te conseillent. Toi tu es toujours bien? Bikungu. C'est difficile. Mais David lui sema makosa yangu niko na yona. Mes péchés je les vois. Dhambi yangu iko mbele yangu kila siku niko na yona. Eh mes péchés sont toujours devant moi je les vois. Kama unaona makosa yako. Si tu vois ton péché. Kwa kutaka Mungu aisamee. Pour que Dieu puisse pardonner cela, repens-toi. Mundu lalipita mu presence ya Mungu. Celui qui passe dans la présence de Dieu. Anaona vile dhambi kunampeleka mulofu. Il voit comment le péché l'amène à la mort. Mitu yake ina ya miza. Sa repentance n'est pas de la blague. D'autres repentances qu'elle a déjà vues. La femme fautait contre son mari. La femme, le mari commence à gronder sa femme. Chérie, sana. Non, ma chérie, tu as beaucoup fauté. Moi, je n'aime pas ces choses. Oh, papa, pardonne-moi. Tu t'es repenti. Ça, c'est pas la repentance, ce sont des blagues. Mais la repentance qui vient du fond du cœur, c'est un cœur brisé. C'est pourquoi David dit Dieu ne rejette jamais tout cœur contrit et brisé qui se répand. Ce qui a aidé Isaïe, quand il a vu qu'il était un homme de bonne volonté, il a dit que dans cet état avec des lèvres impures, il a pleuré. Il a pleuré. Mais ses lèvres sont sorties de son cœur. Il avait un cœur brisé. C'est alors que Mungu, Dieu parlait Dieu, a envoyé le séraphin qui est volé vers lui. Et avec la présence venue de l'autel. La repentance n'est pas de la blague. La repentance n'est pas une habitude. On a quoi ça? Tu fautes. Tu retournes encore dans ce monde. Et tu es prêt à te repentir. Non. Se repentir, c'est abandonner. C'est vrai. Comme on disait, mon frère, pardonne-moi. Ce problème se termine. Mon Dieu, pardonne-moi. Ce problème se termine. Si ce sont des mauvaises fois dans lesquelles l'homme était, ils y sortent pour toujours. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche. Dieu a raison dans la manière de parler. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Fura, shangwe. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Pale mifupa yo ile ulivunja itafurahi. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Unijimishie maovu yangu yote. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur. Uniumbie moyo mupya. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Unirudishie roho ya utayari. Ne me rejette pas loin de ta face. Usinitupe mbali na uwepo wako. Ne me retire pas ton esprit saint. Usinitoshe roho yako takatifu. Rends-moi la joie de ton salut. Unirudishie furaha ya wokovu. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. S'il y a quelque chose qui enlève la joie du salut, c'est la vie du péché. S'il y a quelque chose qui ôte la joie du salut, toi, mon frère, ma soeur, c'est la vie du péché. C'est pourquoi David a dit n'enlève pas la joie de mon salut. Continuez, frère. 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et le pécheur reviendra à toi. Pale ni tafundisha manjia yako kubalebe kona kosa na batenda zambi watarudia kwako. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Oh Mungu wokovu wangu. Délivre-moi du sang versé. Unikombole kupitia damu ile ilimwangika. Ku damu ya kumwangika. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Na rulimi yangu itatangaza rema yako. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Mungu nikufungule kinwa na rulimi yako itatangaza sifa yako. Si tu avais voulu des sacrifices, sababu kama ulipenda masadaka, je t'en aurais offert. Nilipashi kukutolea hayo. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Lakini wewe ya ufurahi yake na masadaka yote yote. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, lakini sadaka yenye kumpendeza Mungu, c'est un cœur brisé. Ni roho ya kuvunjika. Oh Dieu. Oh Mungu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Wewe hauwezi kukatala roho ya kuvunjika na ile kunatupa dhambi. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Mambo ya kweli banduku yangu na badada. Le problème véritable mon frère ma sœur. Mu présence ya Mungu mko puissant. Dans la présence de Dieu il y a une puissance. Ya kusaidia kila mtu. Qui aide chaque personne. Jo atembele mbali na Nzambi. Ou qu'il marche loin de péché. Mu dese momala. Mu tangele shiku. Prophète Branham anafundisha anasema. Le prophète Branham enseigne il dit. Mu paragraphe 89. Makumi mnane na tisa. Ce que l'homme doit faire ce soir, qu'il est mouton n'a pas chaque fois nyamangaribi à Léo, c'est de rencontrer Dieu face à face. Ni kukutana na Mungu buso kwa buso. Et à l'instant, na mule wakati, il sera une créature changée. Atakuya kiumbe kia kubadilika. Alléluia. Oh, je souhaiterais le dire de la manière dont je le crois. Na nitaka kuisema mnamle mimi naamini mie. Mais quand un homme, mais lakini wakati mtu rencontre Dieu, anabumbana na Mungu, il est changé de cette minute-là. Et qu'on a badiri comme il est dakika. Pour le reste de ses jours, il ne sera jamais le même. 10 ans mon message. 10 ans dans le message. On garde président de Luanzo Lomiku. Tu continues à demeurer président de Luanzo Lomiku. 15 ans mon message. Niaka kumina tano dans le message. On garde président de Buluba Nibukata. Tu continues à être président de Buluba Nibukata. Mais kama on a fika tu. Une minute mon présence amour. Mais si tu arrives une seule minute dans la présence de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Restera jamais les mêmes. Parce qu'il est transformé. Et il a la vie éternelle. Et les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Parce qu'il est transformé. Kama kuko kintu kinaweza kubadilisha mtoto wa Mungu wa kweli. Quelque chose qui peut changer un enfant véritable de Dieu. Uso kwa uso. C'est se rencontrer avec Dieu face Alleluia. À face. Amen. Moïse, Musa, alikutana na Mungu. Il se rencontre avec Dieu. Historia yote mnaiyo. Vous connaissez toute l'histoire. Dès ce moment-là, tangere wakati, Moïse a changé. Musa avait changé. Wewe ulikutana na nani? Toi tu t'es rencontré avec qui? Ungari wapi mtoto wa Mungu? Tu es encore où enfant de Dieu? Tout comme présence ya Mungu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Là où nous écoutons cette parole qui a la puissance de changer un homme. La grâce de Dieu est encore chez toi et chez moi. Parce que même aujourd'hui, Dieu se voit à ceux qui le cherchent. Le livre de Isaïe s'est accompli maintenant. Si tu cherches que Dieu puisse te voir, certainement il va se voir à toi. Un jour, Zakayo, Zakari, Zakodi, il était le grand de Zakodi. Il avait son argent, il avait ses biens, ses choses. Mais dans son cœur, il cherchait à voir Jésus-Christ. Il est allé s'inviter dans la foule qui allait suivre Jésus. Mais ne pouvait pas le trouver à cause de la foule. Et mais à cause de sa taille. Zakayo. Zachée a dit non. Pour que je voie Jésus, il faut que je quitte la foule. Que j'aille dans l'autre route là où Jésus se dirige. Et quand il s'éteindra là où je serai, je le ferai. Zachée est parti. Il est allé devant sur la route que Jésus allait. Zachée. Ton arrivée ici, ça ne peut pas te donner la hauteur. Tu es toujours encore plus petit. Monte à l'arbre. Quand Jésus va passer, tu vas le voir. Zachée monte à l'arbre. Quand Jésus est arrivé là où il est déjà Zachée, comme la profondeur appelle la profondeur, la profondeur de Zachée est de chercher Jésus. Jésus aussi cherchait aussi les pécheurs. Bila bumbana. Ça s'est rencontré. Jésus s'est arrêté. Il a vu qu'il y avait une salle de la ville. Il a regardé à l'arbre. Il a vu Zachée. Il l'a appelé. Zachée. Descends. Jésus ne le rencontre pas dans la. Dieu se rencontre avec ceux qui se rabaissent. Quand Zachée avait la soif de voir Jésus-Christ, il ne pouvait pas se défendre à l'arbre où il était. Seigneur, comprends, je suis petit, si je descends, on va me piétiner. Non. Quand son désir était de voir Jésus, il a obéi, il est descendu vite vite. Maintenant, aujourd'hui, pour que Dieu puisse t'aider, descends. Pour que Dieu puisse m'aider, que je m'humilie. Dieu ne se rencontre pas avec les hauteurs. Quand Zachée était descendu, et il s'est embrassé avec Jésus-Christ, la joie est entrée dans son cœur. Lui-même, il commence à dire, Seigneur, maintenant, je vais commencer à retourner quatre fois celui que j'ai pris de moi. Il s'est reconnu qu'il était un fautif. Et si je veux retourner quatre. Mais les gens commençaient à murmurer autour. Un pécheur comme Zachée. Allez chez lui pour faire quoi? Même si on parlait du mal de lui, sa joie véritable est de trouver Jésus. Alléluia! Alléluia. Dans la voie de salut, tout le monde ne peut pas nous aimer. Tout le monde ne peut pas parler du bien de nous. Même s'il parlait du mal de nous, notre joie c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui se rencontre véritablement avec Jésus-Christ, même la manière de vivre avec Dieu, avec son rage, on ne peut pas le pousser, c'est lui-même. Il faut qu'on parle beaucoup pour dire, il faut mener la dîme, il faut offrir tout ce que tu trouves. Depuis des années, on continue à parler de ces choses. Toi-même, qu'est-ce que Dieu fait dans ton cœur? C'est méchant. Que Dieu nous aide. Zachée, quand il s'est rencontré avec Jésus, et il l'a amené dans sa maison. Les gens parlaient en mal à lui. Jésus disait, Zachée, le salut est entré dans ta maison. Parce que tu es un fils d'Abraham. La parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu qui étaient prédestinés avant la fondation du monde. Si tu es entré dans le groupe des enfants de Dieu, tu ne vas rien comprendre. Tu es un poussin parmi les aigles. Tu ne peux rien comprendre. Mais si tu es enfant de Dieu, une seule parole d'un jour, ça va apporter de l'effet dans ta vie. Dans sa présence, c'est un bon endroit. C'est là où Dieu commence avec ses enfants. C'est là où sortent nos Dieu les élèves. Que Dieu nous bénisse. Aimons d'aller dans la présence de Dieu. Désirons de commencer notre chrétienté dans la présence de Dieu. Et nous serons des enfants de Dieu partout où nous serons. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici.